je rêve de tout. Mes secrets les plus intouchables, le meilleur dont je suis capable. Je veux aller jusqu'au bout de mes plus beaux souhaits, sans me soucier des avis, des regards des gens. Je me promets de faire briller mon étoile au promets.